Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. En 1905, oui, au début du XXe siècle, paraît les premiers volumes de L'Homme et la Terre, une encyclopédie façonnée par le géographe Élisée Reclus. Oui, étonnante cette date, une parution posthume, Élisée Reclus meurt cette année-là. Dans le volume consacré à l'histoire des civilisations méditerranéennes, Reclus s'intéresse à la Phénicie, c'est-à-dire à l'emplacement du Liban actuel. Il indique en exergue que c'est bien là le rivage heureux où fut divinisée la volupté. Ah, la volupté. Et au moment d'évoquer Beyrouth, il dit que les Grecs auraient pu abrité près des sources vives de Beyrouth au pied de ces dunes de sable rouge où bruissaient les grands pins. Oui, il ne parle pas de cèdres. Élisée Reclus a cette remarque qui interpelle. Cette ville était une de celles qui doivent vivre ou revivre quand même. Les conquérants passent et la cité renaît derrière eux. Nous pouvons ajouter à la suite de Reclus, les catastrophes passent et Beyrouth renaît toujours. Mais au moment de reconstruire la ville, comment conserver son histoire, sa vivacité, mais aussi sa volupté. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous sommes à Beyrouth. Beyrouth, histoire d'une ville, histoire d'un port millénaire de l'antique Phénicie au mandat français. Beyrouth est une ville qui fascine par la profondeur de son histoire, justement, et par son ancrage dans le présent. Des émissions à réécouter sur le site internet franceculture.fr ou bien en podcast. C'est la baladodiffusion des émissions à commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Aujourd'hui, rebâtir la ville après la guerre civile. Cette guerre civile de 1975 à 1990 qui a profondément meurtri Beyrouth. Comment reconstruire une ville en prenant en compte son histoire? Avec vous, Sophie Braun, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, maître de conférence à l'école d'architecture de Versailles et vous menez des recherches archéologiques aussi en Égypte, hein, plutôt l'archéologie. Vous êtes l'auteur de Beyrouth dans ses ruines. Le mot ruine associé à Beyrouth est quelque chose qui nous parle parce que cela est devenu une expression française. Oh là là, c'est Beyrouth. C'est quelque chose de prégnant dans l'image que nous avons de Beyrouth. Vous avez travaillé, Sophie Braun, sur les archives photographiques de la ville. Il y a une image qui s'impose, hein, c'est Beyrouth détruite. Oui, tristement, oui. Mais qui ne s'est pas toujours imposée de la même manière. Bon, on va pouvoir en parler sans doute. Et évidemment, l'explosion là, du 4 août est venue réactiver, encore une fois, cette image de destruction. Mais il y a toutes sortes de ruines et toutes sortes de manière de les approcher. Oui, c'est d'où l'intérêt du regard de l'anthropologue sur cette ville de Beyrouth. Hein. Beyrouth qui n'est pas qu'une ruine, et la ruine elle-même fait partie de la ville. Il faut également le regard du géographe. Et avec nous ce matin, Éric Verdeil, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de géographie et d'études urbaines à Sciences Po. Vous êtes donc géographe, diplômé également en urbanisme. Vous avez travaillé, c'était le sujet de votre thèse, sur la reconstruction de Beyrouth. Beyrouth comme ville, comme objet d'étude, nécessite obligatoirement une lecture historique. L'histoire de la ville se lit dans son urbanisme. Oui, toute ville, bien sûr, a une histoire qui dépend de son urbanisme. Mais ce qui est intéressant, je pense, dans le cas de Beyrouth, c'est que la ville est le résultat à la fois de plans qui ont été mis en œuvre, mais aussi de plans qui n'ont pas été mis en œuvre. Donc il y a une sorte de dialectique entre ce qui est tenté, ce qui est tenté et qui n'est pas réussi, et finalement aussi ce qui est raté. Et donc les ruines, à un moment donné, vont trouver leur place dans cette espèce de dialectique entre les projets de modernisation, de renouveau, et des formes d'échecs qui peuvent traduire peut-être aussi des difficultés de mise en œuvre, mais aussi peut-être des résistances de différents groupes sociaux dans la ville. Éric Verdeil, nous intéressons à la reconstruction de Beyrouth dans les années 1990, après la guerre civile qui, elle, a commencé en 1964-75. Mais pour bien comprendre l'évolution de cette ville, il faut essayer de réfléchir à ce qu'est Beyrouth avant la guerre civile. Y a-t-il une identité urbaine de Beyrouth, une géographie qui fait que, quand on voit cette ville, on se dit « oui, là, effectivement, nous sommes à Beyrouth ». Alors, je pense que Beyrouth, c'est tout d'abord, évidemment, une ville méditerranéenne. Vous citiez tout à l'heure, Élisée Reclus, l'image de cette dune de sable rouge, donc qui correspond effectivement à une partie du littoral de Beyrouth, qui aujourd'hui est complètement urbanisée et qui n'est plus guère visible, hein, mais il y a une sorte de couleur de la roche, un grès sableux qui, justement, donne ses reflets. Donc il y a ça, ce rapport du littoral à la mer. Et puis en arrière-plan, il y a bien sûr aussi la montagne qui surplombe Beyrouth. Nous sommes donc bien dans un pays méditerranéen où on a ce rapprochement très fort entre la mer et la montagne. Alors pour le Liban, c'est peut-être un cliché, le matin à la plage, ou plutôt le matin au ski et l'après-midi à la plage. Mais en même temps, ça donne aussi des indications sur le cadre dans lequel se déploie l'urbanisation de Beyrouth, qui est un cadre très contraint, où très vite la plaine cède la place à des collines très abruptes, où l'urbanisation se déploie de manière un petit peu tortueuse pour s'adapter au relief. Sophie Braun, anthropologue, vous avez chercher à comprendre comment les Béroutins vivaient leur ville. Cette ville a une identité. Avant la guerre civile, qui commence donc en 1975, il y avait une fierté d'être à Beyrouth. Quelles étaient les traces de cette fierté? Quel est le propos que l'on peut tenir? J'évoque encore l'architecture. Est-ce qu'il y avait une fierté architecturale en disant « ça, c'est notre ville » ? Bah, ce qu'on peut dire aussi, pour ajouter quelque chose à ce tableau de la description de la ville avant la guerre civile, c'est cette idée que c'était une ville méditerranéenne et une ville très cosmopolite, avec cette diversité de communautés, de confessions, d'appartenance aussi, qui caractérisait les habitants de la ville, qui était une ville qui attirait aussi beaucoup de voyageurs de la région et d'ailleurs. Donc je crois vraiment que la ville était marquée par cette dimension cosmopolite, et si on veut penser à des lieux qui incarnaient le mieux cette dimension cosmopolite, c'est peut-être le centre-ville, enfin ce qu'on appelait à l'époque le centre-ville avant la guerre civile, qui correspond aujourd'hui à cette zone qui a été reconstruite par cette société foncière après la guerre civile. Et ce centre-ville, il était marqué par différentes influences, déjà par un héritage ottoman et de l'époque du mandat français avant la guerre civile, mais aussi par des bâtiments modernes, hein, qui avaient déjà commencé d'être construits ça et là dans le quartier, mais aussi par tout un tas d'influences, donc dans l'architecture, dans le mode de vie, puisque c'était aussi un endroit où il y avait une grande diversité commerciale. C'était une place forte du commerce de la ville, donc avec beaucoup de marchés, essentiellement des marchés spécialisés en fonction des marchandises, et aussi des communautés qui avaient la charge de certaines spécialisations professionnelles, des marchés, mais aussi des cinémas, des maisons d'édition, voilà, toutes sortes d'activités comme ça qui caractérisaient ce lieu et qui marquaient le foisonnement comme ça culturel aussi de la ville. En 1975, Beyrouth est une ville cosmopolite, une ville, vous évoquez Sophie Braun, foisonnante, une ville en vie, et débute la guerre civile. Depuis un mois et demi, Beyrouth vit dans un climat d'insécurité. 300 morts en avril, auxquels viennent s'ajouter une soixantaine de tués cette semaine. En effet, Beyrouth n'est pas une ville, c'est une juxtaposition de quartiers qui se définissent par l'appartenance confessionnelle ou l'origine ethnique de leurs habitants. Les chrétiens sur les collines qui dominent la ville, les arméniens en bordure du fleuve, les musulmans dans tous les quartiers populaires de l'ouest de Beyrouth, les druzes dans certaines banlieues. En temps ordinaire, les Libanais sont fiers de cette mosaïque, ils y voient l'image de la diversité. En revanche, lorsqu'un conflit politique survient, il dégénère souvent en affrontements armés, la mosaïque éclate, les quartiers se transforment en bastions, et les comportements politiques s'effacent au profit de réflexes confessionnels. Les chrétiens basculent dans un conservatisme musclé et les musulmans affichent un progressisme de combat. On revêt l'uniforme, on entasse des sacs de sable, les voisins d'hier deviennent des ennemis et les armes sortent, des armes lourdes parfois. Le 28 mai 1975, sur TF1, un reportage sur la situation à Beyrouth. Éric Verdeil, dans ce reportage, nous entendons l'évocation d'une juxtaposition de quartiers, d'une mosaïque. Vous, géographe, quelle lecture faites-vous de cette mosaïque? Est-ce que déjà Beyrouth est vraiment une mosaïque de quartiers? D'abord, c'est intéressant de réagir à cette description de Beyrouth en guerre, où on entend tous les poncifs, tous les clichés orientalistes pour décrire les villes du Moyen-Orient. Hein. Alors, la mosaïque, justement, c'est d'abord cette image de l'objet antique, notamment romain, de ces petits carrés qui sont juxtaposés et qui, en quelque sorte, décomposent une image. Et ce qui est assez amusant, c'est que, par exemple, il y a quelques années, il y avait eu un poster qui a été édité par un chercheur au Liban qui avait représenté justement les données électorales, qui sont en fait des données basées sur la confession, sous la forme d'une mosaïque. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on prend ces métaphores, la mosaïque, la mosaïque de quartier qui sont uniquement confessionnelles, on glisse tout de suite dans une grille de lecture qui omet beaucoup d'autres dimensions. Je ne dis pas que ça n'existe pas, bien entendu que ces questions communautaires sont très importantes pour les habitants, ou en tout cas pour une partie des habitants, mais dans le même temps, il y a d'autres dynamiques, des dynamiques qui déjà à l'époque revendiquaient le dépassement de ces logiques communautaires, et puis il y a aussi des logiques de classe, c'est-à-dire que les clivages qui ont donné lieu à la guerre civile sont autant des clivages de classe entre un prolétariat rural en train d'être urbanisé, d'être intégré de force par des migrations forcées à cause de la situation de la guerre dans la région, dans la ville, et peinant à y trouver sa place, et face à une bourgeoisie qui, au contraire, est en train de s'enrichir grâce au commerce, grâce aussi à l'immobilier et à la modernisation de la ville, justement. Et on peut aussi lire la guerre civile sous la forme de cette opposition de classe. Hein. Donc je pense que c'est très important d'avoir, quand on parle du Liban, toujours un recul vis-à-vis de cette manière de catégoriser le pays et de classer ces combats comme justement des combats qui sont infrapolitiques. Dans le commentaire, il est dit, voilà, tout de suite, on abandonne les réflexes politiques et on revient à une sorte de violence primaire. Je pense qu'il faut absolument déconstruire ces clichés. Oui, il faut une grille de lecture beaucoup plus complexe simplement qu'une lecture communautaire où il y a les positions sociales. Éric Verdeil, justement, nous évoquons cette guerre civile. Il faut rappeler peut-être ce qu'est cette guerre. C'est très difficile en réalité parce que nombreux, nous avons été contemporains de ces événements, alors jeunes ou moins jeunes. C'est très difficile à comprendre. Il y a quelque chose aussi qui est une limite pour saisir ce qu'est Beyrouth. C'est cette guerre civile qui dure de 1975 à 1990, qui est un jeu de factions. Est-ce qu'il est possible de résumer cette guerre civile? Alors, je pense que résumer la guerre civile, c'est une gageure. Et je pense que justement, ce qui est intéressant, c'est de retenir qu'il y a plusieurs grilles de lecture. Il y a une première grille de lecture, qui est celle qui est généralement mobilisée, qui est une lecture géopolitique à l'échelle du Moyen-Orient, par exemple, qui opposerait Israël aux autres pays arabes, les Occidentaux aux forces, donc à l'époque plutôt proches de l'Union soviétique. Il y a une deuxième grille de lecture qui est plutôt interne au Liban, et c'est la grille confessionnelle qu'on vient d'évoquer. Moi, je pense que, surtout dans le cadre de cette émission sur Beyrouth, c'est intéressant aussi de se dire que la guerre, c'est une guerre pour la ville. C'est-à-dire que, justement, il y a un certain nombre de groupes sociaux qui peuvent être aussi des groupes confessionnels, qui cherchent et qui luttent pour leur place en ville. Et donc, en particulier, le fait que les combats se focalisent dans un premier temps, dans les années 75, 76, 77, dont on parlait à l'instant, sur la zone du centre-ville, en particulier, pas uniquement, mais en particulier, indique bien aussi une volonté de certains groupes marginalisés d'y trouver leur place, de s'approprier des richesses qui, sinon, dans l'ordre économique ordinaire, leur échappent. Donc je pense que cette grille de lecture de la guerre pour la ville est très intéressante à avoir en tête, et en particulier parce que ça va constituer un fil directeur jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est très important cette grille de lecture et cette réflexion. C'est pour ça que le regard du géographe et de l'anthropologue nous intéresse aujourd'hui autour de la géographie de la ville et de ses habitants. Le centre-ville, Sophie Braun, est un enjeu. C'est un enjeu pas uniquement géostratégique. Une guerre au cœur de la ville est une guerre toujours complexe, mais il y a beaucoup de symboles autour de Beyrouth. Oui. Je crois que on peut ajouter, bon, s'il faut fonctionner par métaphore aussi, la question de la mosaïque a très bien été décrite précédemment. On peut une métaphore qui peut être utile aussi pour aborder la question de la manière dont la ville fonctionne, c'est celle du calque, c'est-à-dire considérer la ville non pas seulement comme une juxtaposition, comme l'a dit Eric Verdel, d'entités distinctes, mais aussi comme une superposition. Non seulement de couches historiques, mais aussi d'une forme de degré d'implication de ses habitants, à la fois dans le présent de la ville, mais aussi dans l'histoire urbaine. C'est-à-dire qu'il y a à Beyrouth la construction de formes de légitimité de certaines communautés, de certains groupes, les uns par rapport aux autres, qui tient aussi à l'histoire de leur présence en ville, à la manière dont certains groupes, certaines familles, certaines dynasties familiales ont contribué à transformer, par exemple, par l'achat de propriétés, l'extension de leurs propriétés des quartiers entiers de la ville, la manière dont certaines familles possédaient aussi au centre-ville des rues entières consacrées à des commerces. Donc, cette implication comme ça, commerciale, résidentielle dans la ville, elle détermine aussi des formes de légitimité qui sont contestées, qui sont disputées, en fait. Et la guerre civile, elle vient révéler aussi cela. Alors, comme le centre-ville, c'était cet espace de... Parce que ce qu'il faut ajouter à ce que j'avais dit précédemment, c'est que c'était un espace de mixité qui était un des rares espaces de mixité dans la ville, puisque ce que dit le journaliste de TF1, c'est qu'il y a quand même, déjà avant 75, une forme de ségrégation confessionnelle par quartier. Donc cette mixité qu'on trouve au centre-ville, elle est aussi un enjeu de la guerre civile, et c'est aussi un moment où en 75 on vient se disputer cet espace de la centralité, qui est aussi un espace symbolique, puisque c'est l'accès à la fois au monde, l'accès à toutes à tous les autres territoires du pays aussi, puisque c'est de là que partent toutes les voies qui mènent ailleurs. Donc c'est un lieu de brassage, un lieu de passage comme ça, qui va être un enjeu, voilà, symbolique de la guerre civile. Oui, parce que c'est la question qui se pose avec cette guerre civile. Pourquoi Beyrouth est autant touchée? Comment expliquer que cette ville est aussi meurtrie par cette guerre? Éric Verdeil, Beyrouth est un enjeu, mais c'est vrai que la guerre dure assez longtemps, hein, 1975-1990, et Beyrouth, dans ces années-là, vu le regard extérieur que nous pouvions avoir par les actualités, était toujours montré comme ville victime, ville martyre. Comment expliquer que les combats se passent à Beyrouth? Alors, les combats se passent à Beyrouth pour les raisons que l'on vient en partie d'expliquer, c'est-à-dire que les différents quartiers confessionnels qui constituent des bastions pour les différentes milices qui s'affrontent, ces quartiers vont se barricader. Les habitants qui sont considérés comme suspects ou comme des traîtres ou comme des alliés du camp d'en face vont être expulsés, parfois assassinés. Hein, et donc la ville va graduellement être en quelque sorte subir une épuration confessionnelle. Le terme n'existe pas à l'époque. On a utilisé le terme d'épuration ethnique dans le contexte de la Yougoslavie, mais en fait ça s'applique très bien aux combats et aux transformations de la structure démographique de la ville pendant la guerre. Donc ces bastions vont s'affronter et ils vont lutter pour quelques lieux à la fois symboliques et militaires très importants, comme le quartier des Hôtels, qui est juste à côté du centre-ville et qui va donner lieu à de très importantes batailles, justement dans les années 75-77. Et puis progressivement va se fossiliser une ligne de combat qu'on va appeler la ligne verte, la ligne de démarcation entre les quartiers est et ouest de Beyrouth. Un certain nombre d'autres lieux d'ailleurs de la ville vont subir d'importantes destructions. C'est notamment le cas de plusieurs camps palestiniens, de certains quartiers populaires qui sont vidés manu militari. Et puis la violence existe aussi de manière plus diffuse, par exemple à l'occasion d'attentats à la voiture piégée. Donc voilà, ça c'est, on va dire, la manière dont la ville traverse et est progressivement transformée et partiellement détruite à cause de l'enkystement de ces combats. Là-dessus s'ajoute encore une autre couche, si je puis dire, c'est notamment en 1982 l'invasion israélienne qui conduit à des bombardements très intenses, ciblant les institutions et les points forts des Palestiniens et de leurs alliés dans la ville, donc qui vont conduire aussi à des dégâts très importants. Donc finalement, au sortir ou à la fin de la guerre civile, on a une ville qui a subi directement des combats dans plusieurs endroits de la ville, des combats, on va dire, de forte intensité, mais avec des armes relativement légères, si je puis dire. Et puis il y a d'autres endroits qui ont été largement bombardés par des canons, voire par des avions. Donc des degrés de dégâts assez différenciés. Et puis enfin s'ajoute aussi, à la fin de la guerre civile, une usure, les infrastructures qui n'ont pas été réparées ou pas été suffisamment réparées tout au long de la période sont très abîmées, l'eau coule dans les rues, l'électricité ne fonctionne plus, donc partout il y a des grappes de fils électriques qui vont de fenêtre en fenêtre et qui donnent un caractère lépreux au paysage urbain, les ordures ne sont pas ramassées, une partie des immeubles qui n'ont pas été entretenus s'effondrent et donc déjà apparaissent les ruines dont parle Sophie Braun. Donc, vous voyez, il y a différents types, finalement, de dégâts qui se sont accumulés au fil de la guerre et qui vont donner à Beyrouth cette image d'une ville martyre et d'une ville en ruine. Oui, avec des immeubles éventrés, ce sont les images que nous avons en tête. Et puisque nous évoquons ces ruines, je vous propose d'écouter ce reportage d'août 1992 qui s'est rendu à la cathédrale Saint-Georges à Beyrouth. Saint-Georges, patron de Beyrouth. 16 ans. Vraiment, je ne peux pas, je veux pleurer. C'est très triste. Saint-Georges, aujourd'hui, la fête de Saint-Georges. C'est pour ça, en fait. Oui, c'est difficile. Ça ne fait rien. Oui. La 16e année, tout est détruit. Tout. Surtout le parquet qui était en très joli, en blanc, céramique. Rien. La photo, ça, le Saint-Georges, on l'a cherché, je ne sais pas, mais il y avait une grande, grande photo. Le patron de Beyrouth, Saint-Georges, le patron de Beyrouth. Oui, c'était très joli. Des jolis tableaux, dessins, tableaux, la Vierge, Jésus, Saint-Maron, le patron des Maronites. Maintenant, on n'est plus les Maronites. Mais maintenant, on s'est réconciliés. Sublime témoignage autour de la destruction en partie de la cathédrale Saint-Georges à Beyrouth, qui commence par des pleurs, qui termine par des rires. Sophie Braun, vous avez étudié Beyrouth dans ses ruines, c'est le titre de votre ouvrage. Vous avez discuté avec les gens. La guerre civile, ce sont des blessures humaines, des pertes, des blessés, des morts, des destructions, faut jamais l'oublier. Mais quand on perd son bâtiment, c'est bien, la vie change et c'est très dur. Et puis, il y a des blessures symboliques, et c'est le cas ici. Quel est le discours tenu par les gens que vous avez rencontrés autour de ces ruines ? Déjà, je voudrais en deux mots revenir sur le titre du livre qui est « Beyrouth dans ses ruines ». C'est le titre qui a été proposé par l'éditeur, parenthèse, qui est une légère modification par rapport au titre initial de mon travail, qui était « Beyrouth et ses ruines ». Et cette affaire de « dans ses ruines », finalement, je l'ai trouvée assez pertinente, puisque c'est là pour évoquer une forme d'état, une espèce de cycle comme ça, de destruction, de reconstruction, un état presque un état psychique aussi, dans lequel on a du mal à sortir peut-être, et un processus de voilà, presque un métabolisme en quelque sorte, et je le trouve assez évocateur, même si j'espère qu'il n'est pas déterminant, mais bon, voilà. Ce qui m'a frappé, c'est enfin les questions qui sont à l'origine de ce travail et qui permettre de répondre aussi à la question, c'est cette idée de l'instabilité en fait politique qui est constante et qui génère comme ça des cycles de destruction et de reconstruction, et la question de savoir comment est-ce qu'on gère au quotidien finalement ces incursions de la grande histoire, de ce que Maurice Halbwaye appelait la mémoire historique, dans la mémoire individuelle, dans la manière qu'on peut avoir aussi de se projeter dans l'avenir. Et donc aborder la question des ruines et du rapport à ces ruines, c'est aussi se poser la question de la manière dont on peut se projeter et dont on vit le temps. Est-ce que cette instabilité, elle n'est pas constitutive au point d'impliquer une forme de présentisme, c'est-à-dire une manière de difficulté au sens finalement à se projeter dans l'avenir. Et est-ce que ça a un impact sur la manière dont on va produire la ville, la reconstruire, ou en tout cas produire ce qu'on appelle nous en Europe ou en France le patrimoine, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va chercher à transmettre ce qui existe, ou comment est-ce qu'on le transforme. Donc c'est un peu les grandes questions comme ça qui se posent, qui se sont posées quand j'ai découvert Beyrouth au début des années 2000. En 2005, il y avait encore beaucoup de ruines de la guerre, mais la particularité de cette reconstruction, c'est qu'elle a été fondée, mais ça Éric Verdel en parlera peut-être mieux, sur un processus de table rase, de démolition d'une grande partie des ruines de la guerre. Et dans ce processus de démolition des ruines de la guerre, on a mis au jour un certain nombre de ruines antiques. Et donc, des ruines ont révélé d'autres ruines, et c'était un petit peu ça aussi la complexité de ce terrain, en quelque sorte, béroutin. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, ce terrain complexe, Beyrouth, ville complexe, ville sublime, reconstruire après la guerre civile. Je vous propose d'écouter Bachar Markhalifé qui chante sa ville aussi, il est de Beyrouth. Et nous revenons avec vous, Sophie Braun, Éric Verdeil, pour réfléchir à comment reconstruire une ville sur ses ruines, mais surtout avec ses ruines. بونجور بونسوار كيف الحال شو رأيك أخدك مشوار في عندي دكة تنعلمون شو رأيك هدا الشي مش كول في خيي انت شو أوسكول أحلى شي قبل البوش عالبوش ناخد شطة فودكا عالبار وننهي السهرة عالبلكون Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Je crois que j'ai eu deux rapports à la guerre distincts. C'est la guerre que j'ai vécue entre ma naissance et l'âge de 6 ans. Et la guerre que j'ai vécue en 2006, parce que j'étais au Liban cet été-là. Et j'ai vécu quelque chose qui était a priori que je connaissais déjà, mais qui était totalement différent de ce que j'avais pu vivre. J'avais déjà 23 ans et c'était un autre rapport à la guerre. Et en même temps, c'était comme si c'était quelque chose d'évident où personne n'était vraiment surpris. Je crois qu'on était tous un peu ça reprend, il faut aller acheter du pain, faire un peu de provisions, il faut se protéger des vitres, voilà. Se renseigner si on peut prendre la route, etc. Donc il y a eu tout de suite des réflexes très primaires, comme ça. Mais l'enfance est reliée au bonheur, et la guerre de 2006 est reliée à la souffrance et à quelque chose qui dépasse complètement la réalité, qui dépasse ma propre nature humaine. C'était beaucoup de questions après ça. Et mes albums sont venus après ça, et mes chansons aussi. Bachar Markhalifé, que nous venons d'entendre chanter dans le cours de l'histoire sur France Culture, que nous venons d'entendre témoigner également, qui nous parle de sa ville après la guerre, après une autre guerre. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, une émission réalisée par Milena Hellig avec à la technique Jean-Guilain Meige. Le cours de l'histoire, reconstruire Beyrouth après la guerre civile. Éric Verdeil, la guerre civile se termine en 1990, tout n'est pas vraiment réglé, mais la ville est à reconstruire. Comment reconstruire une ville quand l'État lui-même peine à se construire ? Oui, donc effectivement, lorsque la guerre civile s'interrompt avec un processus politique de pacification sous égide internationale et en particulier avec la présence très forte de la Syrie qui intervient et qui est présente militairement dans le pays, l'enjeu, c'est à la fois de reconstruire un État, mais aussi de penser les plaies urbaines. Et donc, on va avoir plusieurs processus qui vont se combiner. Alors, si on s'attache plus particulièrement à la question de la reconstruction urbaine, ce qu'il faut d'abord réaliser, c'est que en 1990, bien que la ville soit, comme je l'ai dit auparavant, en état de ruine et avec des infrastructures qui ne fonctionnent pas du tout et finalement une sorte de chaos urbain, en réalité, la ville n'est pas totalement détruite. Par exemple, dans la région du centre-ville, il y a environ 15 à 20% des immeubles qui sont effectivement véritablement hors d'état, voire déjà démolis, puisqu'il y a déjà eu des phases de démolition pendant des pauses dans les combats, notamment en 1983. Mais et donc déjà des premières tentatives de reconstruction, si vous voulez. Mais en fait, on se trouve face à un tissu urbain qui, d'une certaine manière, pourrait être réhabilité. Certains, d'ailleurs, aujourd'hui, après l'explosion du 4 août, font un parallèle entre l'état du tissu urbain dans le quartier de Beyrouth qui a été touché et l'état du centre-ville après la guerre civile. C'est-à-dire qu'en fait, les immeubles sont là, ils pourraient être réparables. Mais en fait, progressivement, un consensus va émerger entre un certain nombre d'urbanistes et des leaders politiques sur l'idée que la seule manière de reconstruire, ça va être confier la reconstruction à une société privée unique qui va se substituer aux propriétaires, qui vont être expropriés et compensés par des actions. Et que cette société va moderniser le centre-ville qui est considéré comme vraiment trop vétuste. Finalement, il y a un choix qui est fait et ce choix, d'une certaine manière, va ajouter des destructions aux destructions. Et à la fin, finalement, seulement, j'espère ne pas dire de bêtises, j'ai plus tout à fait le pourcentage en tête, mais je crois que 80% des immeubles ont été finalement détruits, c'est-à-dire qu'on a fait effectivement une table rase, alors que, objectivement, on aurait pu se contenter, en éliminant les immeubles qui étaient vrament en danger, de seulement éliminer 20 à 30% des immeubles. Mais en fait, le choix qui a été fait, c'était un choix de modernisation, élargir les rues, moderniser les infrastructures et surtout densifier le centre en vue de pouvoir y faire des investissements qui devaient être lucratifs pour cette société privée qui avait pris en charge la reconstruction. Donc je pense que c'est très important de comprendre que une ville en état de ruine, une grande partie de ces ruines peuvent toujours être reconstruites. Et par contre, il y a un choix politique qui est fait qui est de ne pas reconstruire. Alors tout à l'heure, d'ailleurs, je parlais de consensus urbanistique. En réalité, non, ce n'était pas un consensus urbanistique. C'est-à-dire que les partis au pouvoir, et en particulier celui qui allait être nommé Premier ministre, Rafik Hariri, a convaincu, et il détenait les leviers de l'État pour lancer ce processus. Et il y a eu une opposition, notamment composée d'urbanistes, mais aussi d'habitants qui allaient être expropriés, qui ont refusé, qui ont même porté le combat devant les cours de justice, où finalement ils n'ont pas obtenu gain de cause. Donc c'est vrai que la décision qui a conduit au schéma directeur de reconstruction du centre-ville de Beyrouth, sous l'égide de la société solidaire, c'est un processus éminemment conflictuel et très politique. Éric Verdeil, vous êtes l'auteur de l'Atlas du Liban et d'un ouvrage intitulé « Beyrouth et ses urbanistes, une ville en plan ». Nous sentons qu'il y a un mélange de choix politiques, d'enjeux économiques aussi évidemment, mais au milieu de la reconstruction de cette ville, il y a des habitants et leur rapport à la ville. Sophie Braun, est-ce que le rapport des habitants à cette ville a été pris en compte au moment de la reconstruction ? Nous l'entendons bien, le travail a été confié à une société privée. Alors justement, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une opposition de certains, voilà, de différents groupes de la société urbaine de l'époque, ceux qui prennent en charge cette reconstruction autour de l'ancien premier ministre Rafik Hariri, et puis les anciens propriétaires et usagers de ce centre-ville qui étaient des ayants droit, qui dès le début du projet de reconstruction se sont associés en comité pour défendre leurs droits et essayer de lutter contre le projet urbain de Solidaire. Solidaire, qui est cet acronyme de la société libanaise de développement et de reconstruction. Alors ces ayants droit, c'est là que c'est intéressant aussi quand on s'intéresse à ces questions de la mémoire, de l'histoire, mettent en œuvre un véritable travail de réhabilitation symbolique en fait de la mémoire de ce quartier avant la guerre, en promouvant leur patrimoine, qu'ils n'appellent pas patrimoine, qui est plutôt ce qui correspond au terme arabe de touraf, c'est-à-dire cette tradition, qui est en fait l'idée que ce qui constituait réellement le patrimoine de ces gens au centre-ville, c'était bien entendu des cadres architecturaux, des espaces transmis, hérités, etc. Mais surtout la mémoire sociale du quartier, surtout un ensemble de pratiques, de savoir-faire. C'était des commerçants, des artisans qui avaient appris leur travail de leurs parents, qui entendaient le léguer à leurs enfants. Donc cette idée d'une transmission comme ça dans le temps long de ces habitants et de ces usagers de ce centre-ville qui se considérés comme des habitants non seulement légitimes, mais centraux dans la dynamique urbaine de Beyrouth. Donc ce comité d'ayant droit, à partir des années 2005, il s'est fait entendre bien avant 2005. Moi, c'est le moment où je commence mon travail, mais disons que dès les années 90, il se fait entendre à travers tout un tas de manifestations, de conférences de presse, de mobilisations de la presse aussi locale pour défendre ce qu'ils appellent leur patrimoine, estimant que la société foncière a bafoué leurs droits et leur mémoire. En réalité, c'est pas tellement leur mémoire qui a été bafouée, c'est un mode de vie tout entier, puisque au moment où le projet de reconstruction se met en place, on leur dit, il y a un projet qui est là, mais vous n'en faites pas partie en quelque sorte, puisqu'on vous exproprie, vous êtes exproprié, moyennant des actions dans la société foncière, actions dont le cours s'est très vite effondré, donc ils ont aussi estimé être perdants au plan économique, mais c'était aussi les écarter presque physiquement de ce quartier. Cette reconstruction peut donc être une blessure qui s'ajoute à la blessure de la guerre elle-même. Et justement, pour saisir le rapport étrange que l'on peut entretenir avec son environnement, avec son territoire, au moment terrible de la guerre civile, je vous propose le témoignage de Zeina Abirached, auteure et dessinatrice de bande dessinée. Elle est libanaise, bien sûr, et elle expliquait en 2016 sur France Inter dans l'émission D'ici et d'ailleurs comment le moment guerre civile a bouleversé son rapport à l'espace. Mon père conduisait, donc on était passé par le centre-ville, qui était le no man's land pendant la guerre. Donc tout était détruit déjà. Et c'était épique parce que il y avait encore des bombardements, donc on a dû s'arrêter plusieurs fois, se réfugier dans les souks dévastés derrière, voilà, pour attendre que ça se calme, pour reprendre la voiture et arriver enfin sur le bord de mer. Et dans les valises que ma mère avait fait à la hâte, il y avait des cravates alors que mon père n'allait pas au travail à cette époque-là. Il y avait des doudounes alors qu'on était en mai. Bon et tout. Et la première chose qu'on a faite, c'était aller acheter des maillots de bain. J'avais l'impression d'être à l'étranger, en fait, c'est ça. ce que j'ai senti, alors que j'étais à 1 kilomètre à vol d'oiseau de l'endroit où j'avais grandi. C'était une découverte et en même temps c'était très déstabilisant et à un point tel que, phénomène étrange, j'étais incapable de parler l'arabe ni le français pendant les premiers temps. J'ai perdu mes deux langues maternelles et j'avais l'impression qu'il fallait que je parle une langue étrangère puisque j'étais à l'étranger et donc je parlais anglais à tout le monde. Zeina Avirached, auteure de bande dessinée, qui explique comment la guerre civile a complètement bouleversé son rapport à l'espace. Elle est à 1 kilomètre de chez elle, elle ne reconnaît plus rien, elle n'arrive même plus à parler ses propres langues, le français, l'arabe. Elle est perdue. Sophie Braun, quand vous avez fait vos enquêtes à Beyrouth, vous avez retrouvé un peu ce moment très particulier de la guerre civile et de l'après-guerre civile où on ne reconnaît plus son propre espace. Oui, dans le sens où tous les gens une partie des gens que j'ai rencontrés qui étaient des usagers ou des habitants de ce centre-ville parlaient d'un espace qui n'existe plus. Après, dans d'autres quartiers qui sont des terrains, des quartiers dits péricentraux, donc autour de ce centre-ville, j'ai été amenée à me promener avec des habitants, d'anciens habitants de ces quartiers, dans ces rues détruites. Et donc, en quelque sorte, à revenir avec eux sur des lieux qu'ils n'avaient pas revisités depuis la fin de la guerre civile. Et c'était intéressant de voir combien la présence même sur les lieux réactivait comme ça tout un tas de souvenirs qui, pour une bonne part, n'avaient pas été transmis à leurs enfants. Comme si abandonner, quitter l'endroit d'où on vit, un endroit qui a été détruit, qui a été occupé par d'autres habitants qui se sont réfugiés là pendant la guerre, suffisait à faire oublier en quelque sorte ce lieu et cette histoire, l'histoire qui s'y rattache. Donc cette question de la disparition des repères, elle est fondamentale. On se demande vraiment comment on fait pour évoluer dans une ville comme ça, dont le paysage change de manière aussi brutale. Ce qui est significatif aussi pour le centre-ville, pour revenir au sujet de la reconstruction, c'est cette idée que la société foncière solidaire, elle a cherché dès 94. Après avoir démoli une grande partie des anciens bâtiments, voire du tissu urbain, donc effacé aussi le tracé de certaines voies, elle a cherché à refabriquer un patrimoine dans le quartier et donc à revaloriser un patrimoine archéologique qu'elle avait quelques années plus tôt contribué aussi à dilapider, puisque les archéologues, ça a été évoqué lors des précédentes émissions, les archéologues travaillaient sous la pression des entrepreneurs et des bulldozers, donc il fallait faire vite. Donc beaucoup de sites archéologiques ont été dilapidés, mais certains d'entre eux ont été préservés et s'est construit autour d'eux tout un discours de réconciliation et de réparation qui était en quelque sorte un discours inventé par la société foncière autour de certains sites qui comme ça font remonter à la surface des vestiges très anciens quand la mémoire et les traces de la guerre ont été effacées. La réconciliation va de pair avec la reconstruction. Éric Verdeil, nous avons évoqué Beyrouth, longtemps présentée comme une mosaïque de quartiers. Vous avez bien dit que la lecture était beaucoup plus complexe. Au moment de la reconstruction, est-ce que cela est pris en compte, c'est-à-dire qu'on imagine bien qu'il y a une réflexion sur comment faire pour éviter la ségrégation spatiale, la ségrégation partisane dans cet espace à Beyrouth. En réalité, il y a ici un discours un petit peu ambigu, voire contradictoire. C'est-à-dire que on met en avant, dans la publicité qui est faite pour la reconstruction du centre-ville, effectivement, l'idée d'un espace mixte, d'un espace qui serait de nouveau accessible à des activités pacifiques comme notamment le commerce. Mais en réalité, on crée en même temps un projet urbain qui, par les prix qui sont proposés, que ce soit pour les appartements ou pour les commerces disponibles, est un projet finalement inaccessible à une grande partie de la population, quelle que soit d'ailleurs sa catégorie confessionnelle, que ce soit pour les sunnites, que ce soit pour les chiites, que ce soit pour les chrétiens. Et donc finalement, en dépit des discours sur la mixité confessionnelle, l'absence de mixité sociale dans le centre-ville, qui est aussi dû en fait au délai des travaux, hein, puisque finalement ces reconstructions sont encore en cours, elles avancent à un rythme d'escargot. Bon, tout ceci fait que il n'y a pas eu véritablement de mise en pratique d'un projet de retour au centre-ville qui aurait pu favoriser la dite reconstruction ou réconciliation. J'ajoute que sur le plan politique, rien n'a été fait non plus pour véritablement proposer une réconciliation, puisque en fait, il y a eu après la guerre une auto-amnestie de la classe politique impliquée dans les combats, en particulier d'un certain nombre de chefs miliciens qui avaient du sang sur les mains, et de ce fait, finalement. La réconciliation qui aurait peut-être pu avoir lieu sur la base d'une reconnaissance des crimes et d'un pardon, finalement cette question a été enterrée, elle a été mise sous le tapis et finalement elle continue aujourd'hui de hanter la société libanaise où ces questions ne sont pas faciles, voire même impossibles à aborder, sauf à travers un travail de mémoire très spécifique que notamment beaucoup d'artistes ont essayé de mener. Hein. Et du coup, là, je crois que on dit souvent la reconstruction, et je le croyais d'ailleurs moi-même quand j'ai commencé ma thèse, proposait finalement un terrain de réconciliation, mais en réalité, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas et il est sans doute possible de lire dans l'urbanisme de Beyrouth aujourd'hui le chaos politique de cette ville, en plus que de lire l'histoire de la ville. Merci beaucoup Éric Verdeil. Hein, je vous rappelle que vous êtes l'auteur de Beyrouth et ses urbanismes et puis de l'Atlas du Liban. Et merci beaucoup à vous Sophie Braun, Beyrouth dans ses ruines. Merci. Il est l'heure dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Anaïs Quien, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'Histoire, retour sur le sort des travailleurs humanitaires après les assassinats au Niger et un rapport sur la question. Les violences contre les travailleurs humanitaires sont en augmentation constante, c'est le constat fait par l'ONU à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire mercredi dernier. D'après la base de données du centre de recherche Humanitarian Outcomes, le bilan s'élève à 483 attaques qui ont fait 127 morts, ce qui correspond à une augmentation de 18% en deux ans, c'est énorme. Ce rapport tombe quelques jours à peine après l'assassinat de 6 humanitaires de l'ONG française Acted et de leurs deux accompagnateurs au Niger. Une émotion forte a suivi l'annonce de ces morts. Que s'est-il passé au Niger? 8 personnes sont mortes hier dans une attaque, dont 6 Français, membres d'une ONG. Le drame s'est déroulé à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Niamey. Tous les moyens seront mis en œuvre pour élucider les circonstances de cet attentat, affirme l'Élysée. Que s'est-il passé en effet? Un tabou semblait transgressé, celui de l'immunité de la compassion en acte. Les travailleuses humanitaires incarnent l'indignation civile, celle des lecteurs et spectateurs des rubriques internationales. Ces acteurs familiers de conflits lointains depuis la crise du Biafra à partir de 1967 sont devenus dans les années 1970 détenteurs d'un héroïsme mondialisé qui, par procuration et quelques dons modestes ou non, avait reçu délégation de ceux qui sentent leur conscience lourde au sortir du JT. Une cérémonie nationale d'hommage aux 6 victimes françaises du Niger a été organisée avec un discours du Premier ministre Jean Castex. Oui, chacun de nos compatriotes, où qu'il se soit trouvé le dimanche 9 août, a ressenti au fond du cœur le coup terrible qui vous a été porté. Chacun de nos compatriotes a instinctivement compris, soyez-en certains, que les victimes de cet attentat étaient venues au Niger pour y faire le bien et qu'elles y ont rencontré le mal. Dans l'histoire mondiale de la France, Hervé Mazurel retrace l'apparition de la mobilisation humanitaire à partir du cas des Européens engagés dans le soutien aux Grecs en guerre contre l'Empire ottoman pour leur indépendance dans les années 1820. C'est une histoire des émotions internationales, celle d'un moment où l'indifférence devient impossible. Celle aussi du plus célèbre d'entre eux, le poète Byron, mort à Missolonghi, parti soutenir son idéal de liberté. À Paris, puis à Londres, en Suisse, en Allemagne, des comités, des collectes et des ventes de charité se multiplient, encouragés par les tableaux de Delacroix qui peint les massacres de Chios en 1824, tandis que quelques milliers de jeunes, plus ou moins expérimentés, partent pour soutenir les combattants. L'élan humanitaire, c'est l'histoire d'une projection transnationale, l'invention d'un sentiment et d'un répertoire d'actions à distance, avec l'apparition de nouvelles figures de la guerre, nommées par Jean Castex les travailleurs du bien. L'histoire des travailleurs humanitaires appartient à l'histoire de nos guerres contemporaines, mais c'est aussi l'histoire de l'évolution des sensibilités, du niveau de tolérance à la violence et le début d'un débat toujours en cours depuis le XVIIIe siècle sur la mise en marche de nos émotions face au spectacle du monde ou, comme l'écrit Antoine Lilti dans la dernière livraison de la revue Sensibilité, une conception de l'humanité commune, héritée des Lumières, une subjectivité supérieure à toutes les identités. Bref, l'histoire d'une émotion distante, tant bien que mal protégée, qui ne semble plus l'être aujourd'hui. Qui devrait l'être. Merci beaucoup Anaïs. On retrouve le journal de l'histoire et tous les liens utiles sur notre site franceculture.fr. Demain dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous restons à Beyrouth. Oui, Beyrouth, que nous traversons de la Phénicie au mandat français. Nous avons évoqué aujourd'hui reconstruire la ville après la guerre civile. Et demain, nous allons parler du patrimoine à Beyrouth. Le patrimoine d'une ville mémoire quand musées et institutions culturelles font face à l'histoire. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Odile Joessel et Valentine Lovrin. Une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou, émission à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en podcast la balade diffusion. Et puis vous pouvez commenter cette émission et nous faire part de votre actualité de l'histoire sur le groupe Facebook Le cours de l'histoire.